Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la guerre de 100 ans. Ce sont trois siècles de problèmes politiques et d'affrontements entre la France et l'Angleterre, mais d'affrontements qui sont interrompus par des périodes de paix, interrompus par des périodes où la guerre s'endort, si je puis dire. Ce ne sont pas trois siècles de combat. L'historien Jean Favier, auteur du livre « La guerre de 100 ans » à l'émission « Des livres et des hommes » en 1981. Jean Favier qui situe cette guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre dans une période qui déborde cette fameuse période normalement citée. La guerre constitue entre 1337 et 1453. Jean Favier l'inscrit plutôt, cette guerre de 100 ans, sur une durée, vous l'avez entendu, de trois siècles au fond. Comment décrire, que retenir de cette guerre de 100 ans? Pourquoi cette guerre continue aujourd'hui encore de nous intéresser? Autant de questions qui forme le point de départ de ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. C'était la fin du Moyen Âge. Les bâtisseurs de cathédrales avaient perdu la foi. La peste venue d'Asie, la peste noire, ravageait les villes. La guerre dévastait les campagnes. En un siècle, la chrétienté allait perdre un tiers de sa population. Un siècle de calamité, de froidure, de découragement. L'Europe était malade de la guerre. Une guerre qui devait durer 100 ans. Les nations n'existaient pas, mais seulement des rois, des princes, des ducs, qui se disputaient des couronnes et des provinces. Et des chevaliers qui servaient Dieu et leur maître. La grande noirceur de cette guerre de 100 ans, décrite ici dans le documentaire de Daniel Costel, réalisé en 1974, « Les grandes batailles du passé » Azincourt. On va revenir plus tard au cours de cette émission sur cette fameuse bataille d'Azincourt avec mon invité, Michel Hébert, qui est professeur émérite en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Mais d'abord, cette guerre-là, avec nos yeux de contemporains, de quelle manière elle continue aujourd'hui encore d'être intéressante pour nous, cette guerre de 100 ans? Bien, j'aurais tendance à penser qu'elle est intéressante parce que pour les contemporains, ces gens du 14e, du 15e siècle qui vivaient dans une situation de guerre qui n'en finissait pas de se maintenir, de se renouveler, de se transformer tout le temps, sans jamais s'achever, sans qu'on comprenne vraiment quels étaient les enjeux les plus fondamentaux, parce qu'il y a des enjeux de toutes sortes de nature pendant la guerre de 100 ans, de dynastie royale, de l'allégeance seigneuriale, il y a des complications de guerre civile et ainsi de suite, dont on pourra reparler un peu. Mais j'ai l'impression que pour les contemporains, si on regarde ce qui se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre contre le terrorisme, si on regarde les événements qui se passent en Syrie, au Moyen-Orient, on a un peu l'impression de la même confusion, c'est-à-dire ouais. D'être dans une situation de... On ne comprend pas trop bien ce qui se passe, on ne comprend pas qui est l'ami de qui. Les amis d'un jour sont les ennemis du lendemain. Et je crois que les gens, pendant les deux derniers siècles du Moyen-Âge, ont été beaucoup dans cette situation de ne jamais appeler la guerre de 100 ans. C'est depuis le 19e siècle qu'on parle de la guerre de 100 ans. Une invention d'historien. Voilà, on a créé le concept de guerre de 100 ans. En fait, guerre de 100 ans pour décrire une époque, au fond. Voilà, exactement. Décrire une époque de 117 ans, si on compte bien. Mais évidemment, ça n'est pas, Jean Favier l'a bien dit, ça n'est pas 117 ans de guerre continue. C'est impossible. Et c'est probablement la première chose qu'on doit quand même rappeler quand on veut décrire cette guerre-là, c'est qu'évidemment, donc, c'est pas une guerre qui va durer 100 ans. On l'écoute à nouveau, le médiéviste Jean Favier, à l'émission Des livres et des hommes en 1981. Les combats sont assez espacés, les chevauchées sont limitées dans l'espace, limitées dans le temps. Mais je crois qu'on aurait tort de réduire à ces seuls moments d'affrontement militaire cette guerre. Et si vraiment j'ai parlé de la guerre de 100 ans en utilisant ce terme traditionnel, c'est qu'il y a là un siècle, un grand siècle, pendant lequel les gens ont vécu la guerre, ont vécu en fonction de la guerre. C'est un petit peu rapide de dire une chevauchée, ça détruit tout sur, mettons, 10 kilomètres, pour parler en termes actuels et français, sur 10 kilomètres de large. Donc, au-delà, ils ne sont pas en guerre, pas du tout. Au-delà, ils ont peut-être renoncé depuis 20 ans à reconstruire la grange, parce qu'on ne reconstruit pas une grange quand elle pourrait bien un jour être détruite. Alors, comment la décrire concrètement, cette guerre, Michel Hébert? Au regard de ce que vient de dire Jean Favier, de quelle guerre parle-t-on? Bien, On pense souvent aux grandes batailles de la guerre, on pense les batailles, effectivement la bataille de Poitiers, la bataille d'Azincourt, qui sont, elles sont fondamentales, elles sont même catastrophiques du point de vue de la mortalité de la chevalerie française. Mais dans les faits, la guerre, c'est toutes sortes de choses. Ce sont les chevauchées, ce sont des opérations de, par exemple, de rançonnement, de rançon. Pendant la guerre, on ne cherche pas volontairement à tuer, on meurt presque par accident à la guerre souvent. On fait plutôt des prisonniers qu'on libère ensuite avec une rançon. Par exemple, le roi de France à la bataille de Poitiers, Jean le Bon, est amené en captivité en Angleterre. Il va rester plusieurs années. Il faudra payer 3 millions d'écus d'or. Pendant 10 ans, le royaume de France se verra imposer de taxes et d'impôts nouveaux. D'ailleurs, c'est un peu l'origine de la fiscalité moderne aussi, simplement pour payer la rançon du roi. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on trouve dans les campagnes aussi, les paysans qui sortent pour aller au champ sont souvent capturés par des compagnies, des troupes d'hommes d'armes, de mercenaires qui sont en mal de contrat parce qu'ils ont terminé un contrat, ils n'ont pas commencé le suivant. Et donc, ils se payent sur les campagnes en capturant les paysans, en les revendant contre une rançon. Ils font des destructions volontaires dans les campagnes aussi. Et pour éviter qu'on vienne détruire leur récolte ou qu'on vienne s'approvisionner chez eux, souvent, ce sont les paysans eux-mêmes qui mettent le feu à leur propre récolte, ouais. Qui se replient à l'intérieur des villes, qui détruisent les maisons dans les campagnes pour pas que les brigands de l'ennemi viennent s'installer pour assiéger leur plateforme. Confusion, un climat ambiant. Votre analogie, j'y reviens, mais avec cette guerre moderne contre le terrorisme, c'est ça, là, quelque chose de diffus, mais qui est là, qui nous guette encore plus au moment de la guerre de 100 ans que nous par rapport au terrorisme. Il y a quand même un élément, elle est datée. Ça, c'est toujours fascinant. On la date assez précisément. Ça commence en novembre 1337, officiellement, cette guerre de 100 ans. Comment on en arrive à cette date-là, quel est l'élément déclencheur, Michel Hébert? Encore une fois, ce sont les historiens, évidemment, qui en ont décidé. Essentiellement, il y a deux raisons. La première, je passe très rapidement, c'est que le roi d'Angleterre possédait depuis au moins le 12e siècle un très grand nombre de territoires en France, dans l'ouest, dans le sud-ouest de la France, l'Aquitaine, normalement, qu'on appelle souvent la Guyenne, dont il était le seigneur, mais il était seigneur vassal du roi de France. Il devait prêter l'hommage au roi de France pour ses territoires. Dès qu'il y avait un conflit, il refusait l'hommage, et donc c'était une source de conflit. Mais plus important encore, en novembre 1337, le roi d'Angleterre, qui est Édouard III, se prétend, le seul légitime héritier du royaume de France. Donc, il se dit roi de France et d'Angleterre. C'est pas seulement de rompre son hommage ou de défier son seigneur, c'est de se dire roi de France à la place du roi de France, parce qu'il était le petit-fils légitime du roi Philippe le Bel, mais en passant par la lignée féminine, ce à quoi les juristes français ont répondu « Ah mais non, il y a la loi salique », ils ont presque inventé la loi salique pour dire « Ah non, la transmission à la couronne ne peut pas passer par les filles. Le royaume ne peut pas, comme on disait à l'époque, tomber en queue d'ouïe, ce qui permettait de mettre sur le trône un autre héritier, Philippe VI de Valois, et donc d'avoir une autre sorte de légitimité. Alors, il y a ce choc, vraiment, le roi d'Angleterre qui se dit roi de France. Mais c'est fondamental. C'est fondamental, c'est le début. C'est plus qu'un simple prétexte qu'on verra dans d'autres guerres de l'histoire. Là. C'est la revendication même de la paternité, de la royauté d'un pays, la France. Donc, ça commence. Et là, il y a vraiment, ça va faire partie de la guerre de Cent Ans, cette rivalité entre Français et Anglais, la construction aussi, je pense, on pourra en parler davantage, mais d'un nationalisme, le début d'un nationalisme français très fort, la France et l'Angleterre, donc, qui vont en découdre très concrètement. Il y aura quelques périodes, puis on n'aura pas le temps d'y aller dans le détail, mais une première période où vraiment les Anglais sont en offensive, ont le dessus. Vous parliez de grandes batailles, mais effectivement, Poitiers en 1356, Crécy en 1346, c'est des moments importants. Pourquoi? Ben, principalement, un élément fondamental, toutes ces batailles se déroulent sur le territoire de la France. Le roi d'Angleterre arrive en France pour conserver, maintenir ses propres possessions en France, pour récupérer une couronne qui prétend lui appartenir. Donc, c'est une guerre française. C'est une guerre sur le territoire français. C'est la France qui va être la première victime ou la plus marquée dans son territoire, dans ses populations. La noblesse française va être très touchée. Et la noblesse française, mais par la paysannerie aussi, à cause de ce que je viens de dire sur la manière dont la guerre se déroule. Alors au début, ça va très mal. Les Anglais sont beaucoup mieux préparés. Ils débarquent avec des techniques militaires qui surprennent la chevalerie française, habituée de combattre à cheval, avec des lances de très lourdes armures, arrive en face avec ses troupes d'archers anglais qui combattent avec l'arc long, qu'on appelle le longbow, beaucoup plus efficace, mettent la chevalerie française en déroute. Il y a une bataille navale aussi où la flotte française est presque complètement annihilée. Donc, les 15 premières années de guerre qui arrivent jusqu'à, je donne une date, 1360, le traité de Brétigny, les Français acceptent une trêve qui n'est pas une paix, mais qui est une trêve, et c'est la catastrophe. Presque toute la France passe déjà entre les mains de l'Angleterre. Mais il y aura un renversement. Avant la grande trêve qu'on abordera dans un instant, les Français vont regagner un peu le terrain perdu. Voilà, juste de 1360 à 1370, 75, jusqu'à la mort de Charles V, 1380, ça va beaucoup mieux pour la France, on s'adapte à la situation, on lève avec des techniques nouvelles, au fond, de mobilisation militaire, on lève des troupes, avec des impôts nouveaux, on réussit à financer des troupes qui vont faciliter une partie de reconquête. Ouais. 1380, dans les années, en fait, 1380, là commence vraiment, quand on disait la guerre de Cent Ans n'est pas une guerre qui dure 100 ans, on en a un bon exemple, parce que là, on entre dans une deuxième période, longue trêve de nombreuses années, qui ne sera pas pour autant cette trêve-là de tout repos sur le plan intérieur, en France et en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'histoire est ainsi faite qu'elle nous réserve souvent des surprises, puis des surprises considérables. Parce que entre 1377 et 1380 vont mourir successivement le prince noir qui était le fils héritier prévu d'Édouard III, Édouard III lui-même en 1377, le roi de France Charles V en 1380, et à eux donc succède à Édouard III son fils Richard II, mais qui a 2 ans, et puis à Charles V, son fils Charles VI, qui en a 12. Donc, on a des princes qui sont des enfants, qui sont gouvernés, qui sont manipulés un peu par leurs entourages, par la cour. Dans le cas de la France, s'ajoute un autre problème. On verra vite que le roi Charles VI a des crises de folie passagères, mais considérables, faisant en sorte que pendant de longues périodes, il ne peut pas gouverner. Encore là, il y a des luttes pour le pouvoir, il y a notamment celle du duc de Bourgogne, mais aussi les oncles du roi, et on aboutira tranquillement à une situation de véritable guerre civile à l'intérieur de la France, parce que certains des oncles du roi, pour s'accaparer le pouvoir, au fond, vont conclure des alliances avec l'Angleterre. Des couronnes très affaiblies, et en France et en Angleterre, avec le résultat, pour ce qui est de la France, en tout cas, qu'il y aura des guerres de clans en interne. Comme vous dites, c'est vraiment la guerre civile, là. Puis on le perd de vue, mais il n'y a pas de royaume, il n'y a pas d'État-nation, là. C'est l'époque où chacun a son petit royaume. L'État-nation est en préparation à travers tout ça. On va y revenir, si vous voulez qu'on parle un peu de Jeanne d'Arc tout à l'heure. Mais l'État-nation se construit derrière ça parce que la population générale se rend bien compte que le royaume de France, le pouvoir, n'appartient pas de façon personnelle ni au roi, ni au duc de Bourgogne, ni à tous ces autres compétiteurs qui veulent exercer le pouvoir. En Angleterre, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas l'Angleterre qui est menacée territorialement pour l'Angleterre. La guerre n'est pas un problème comme celui de la France. On retourne sur le champ de bataille, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, Michel Hébert, dans cette guerre de 100 ans. Henri V qui décide donc d'en découdre à nouveau avec les Français au début du 15e siècle. Le moment fort de cette reprise des hostilités pour les Anglais, c'est la bataille d'Azincourt. Pour nous mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose un extrait du film Henri V, justement, de Kenneth Branagh, réalisé en 1989. Vous allez y entendre Gérard Depardieu, dans la version française, qui incarne Henri V lors de ce fameux discours de la Cinq-Répins, écrit par Shakespeare. Cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère. Si humble qu'il soit ce jour, anoblira sa condition. Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici et compteront leur bravoure pour rien. Tandis que parleront ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de la Cinq-Répins. Alors évidemment, c'est magnifiquement interprété. C'est une version doublée qu'on entend, mais par Gérard Depardieu qui incarne Henri V. C'est encore commémoré, cette bataille d'Azincourt en Angleterre. Michel Hébert, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, cette bataille-là, pour les Anglais? Ben, peut-être d'avoir une grande victoire qui est peut-être survalorisée par la pièce de Shakespeare aussi, mais quand même une très, très grande victoire. Parce qu'après Azincourt, qui est la deuxième défaite, mais défaite totale, écrasement de la chevalerie française, comme ça avait été le cas à Poitiers en 1356, le roi d'Angleterre entreprend une véritable occupation du territoire français, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Il y avait des chevauchées, il y avait des trêves, il y avait toutes sortes de choses. Là, il occupe le territoire. Il envoie un gouverneur d'abord en Normandie, puis ensuite, il s'empare de Paris Paris devient, les Français diront, Bourguignonne, puisque le duc de Bourgogne est allié au roi d'Angleterre. Ouais. Mais en fait, Paris devient presque anglais, en fait, gouverné avec la présence de l'autorité du roi d'Angleterre qui est très, très proche. Donc, c'est, pour les Anglais, cela est comme une véritable victoire. Oui. Et un peu comme dans la première période d'hostilité, c'est les Anglais, donc, qui prennent les devants au début, mais il y aura un renversement. L'autre grand temps fort de cette reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, c'est Orléans, ce siège d'Orléans. Et puis Jeanne d'Arc, on va y venir dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe à Orléans? Mais Orléans, encore une fois, c'est l'avancée des Anglais qui cherchent à s'emparer de l'ensemble du royaume pour réellement le gouverner cette fois-ci. Alors, celui qui résiste, c'est le jeune roi de France, Charles VII, depuis la mort de Charles VI en 1422, donc ça fait pas très longtemps. C'est le dauphin qui était appelé à succéder. Il n'a pas encore été couronné parce que Reims n'est pas accessible. Il gouverne à partir de la petite ville de Bourges, dans le sens de la France. Donc, on parle souvent de façon ironique, mais c'est vrai, du roi de Bourges, mm-hmm. puisqu'il n'est pas à Paris. Il y a très, très peu de pouvoir. Alors, le siège d'Orléans est un moment critique où même le pouvoir du dauphin dans son royaume de Bourges pourrait tomber et ça pourrait être la fin de la monarchie française. Donc, ouais. Donc l'enjeu est vraiment critique. Et puis Orléans, bien sûr, on y vient, c'est cette figure de Jeanne d'Arc. Voulez-vous vous soumettre à l'Église? Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu? Vous pouvez bien vous en passer. Cela sert au procès. Passez outre. Croyez-vous être la grâce de Dieu? Toute lumière ne vient pas que pour vous. On examine mes réponses. S'il y a quelque chose de mal, je ne soutiendrai pas le contraire. Moi, Jeanne, misérable pécheresse. Moi, Jeanne, misérable pécheresse. Je confesse que j'ai gravement péché. Je confesse que j'ai gravement péché. Tous mes actes et paroles, je les révoque. Et tous mes actes et paroles, je les révoque. Je pardonne le mal qu'on m'a fait. Un extrait de la bande-annonce du fameux film de Robert Bresson en 1962, Le procès de Jeanne d'Arc. Michel Hébert, ça devient une figure importante, un symbole, Jeanne d'Arc. Quelle importance, sur les deux plans, je dirais, concrètement, quelle importance elle aura à Orléans, puis quelle importance elle aura dans ce qu'elle incarnera, cette Jeanne d'Arc? Donc, Jeanne d'Arc, c'est cette jeune fille, hein, mineure, au sens où on dirait aujourd'hui, fille de paysan de la Lorraine, qui a eu des visions dans son enfance, lui demandant, lui commandant d'aller soutenir son roi. Et puis, parce qu'elle avait de bonnes alliances, elle a réussi à accéder au roi, au dauphin, donc Charles VII, à le rencontrer, à le convaincre de l'utilité qu'elle pouvait avoir dans cette guerre. Elle prend la tête d'un corps d'armée, jeune fille, femme, enfant, pauvre, prend la tête d'une armée, c'est le contraire absolu de la noblesse, de la chevalerie, qui était des hommes âgés, adultes, mais qui n'avaient pas réussi. Donc, elle va réussir où les autres n'ont pas réussi, entre autres choses parce qu'elle inspire la confiance à ses troupes, la foi dans la victoire, etc. Elle réussit la libération d'Orléans. En fait, elle galvanise l'ensemble des troupes. Mais alors, et elle conduit le dauphin vers son couronnement, qui aura lieu finalement à Reims, son sacre royal en 1429. Et c'est l'apothéose, c'est la symbolique du roi français désormais consacré, à tel point que le roi d'Angleterre, qui est Henri VI à ce moment-là, très peu de temps après, va se faire sacrer lui-même à Paris, puisqu'il contrôle Paris. Mais il sera trop tard. Donc, Jeanne d'Arc, elle a cet élément qui est extrêmement important. Ce qui l'a desservi par la suite, c'est d'avoir continué à combattre, de ne pas avoir déposé les armes après cet épisode, d'avoir continué à porter le vêtement masculin, on l'a accusé, donc de ce qui était une transgression à la limite acceptable dans les épisodes très précis du siège d'Orléans, mais qui n'était plus acceptable par la suite. Et puis, on l'a accusé aussi, évidemment, de ses visions de prendre son pouvoir directement de Dieu, d'être une prophétesse, d'être une hérétique, etc. Mm-hmm. Et c'est ce dont il est question dans le procès. Elle avoue, ensuite, elle est relapse, c'est-à-dire qu'elle retire ses aveux, et elle sera donc condamnée par qui? Ben, par les Français, par les Bourguignons, encore une fois, alliés des Anglais, brûlé sur le bûcher à Rouen, puisque Rouen est dans la Normandie anglaise. Donc, c'est franco-anglais, mais c'est franco-français en même temps. Mais ce qui reste d'elle aujourd'hui, puis on revient à ce qui reste de cette guerre de 100 ans, au fond, c'est cette fierté nationale française, c'est cette victoire des Français contre les Anglais. C'est un peu ça, au fond. Oui, définitivement, à partir de l'épisode de Jeanne d'Arc, on a un roi de France qui est une figure fondamentale, mais désormais, le roi, c'est le roi de la nation française. On peut parler à partir du 15e siècle, véritablement, d'une nation française, la nation France, groupée au-delà des diversités régionales, parce qu'il y en a beaucoup en France, hein, de régions, de provinces, de langues, entre l'occitan, la langue d'oïl et tout. Là, on a le début de la création d'un sentiment national fort qui va durer longtemps. D'ailleurs, en Angleterre, la même chose, à la même époque, on pourrait en parler. C'est un autre sujet, ça se présente autrement, mais il y a aussi le même phénomène en Angleterre. Mais au fond, c'est un héritage important de cette fameuse guerre de 100 ans, ce sentiment d'unité nationale, d'État-nation, autant en France qu'en Angleterre, au fond. Absolument. En Angleterre, entre autres choses, ça se traduit, par exemple, par la fierté retrouvée pour la première fois pour la langue anglaise aussi. Ouais. Là, c'était la langue française après le latin qui était importante dans toute l'administration royale en Angleterre. Mais là, ça devient la langue anglaise. Ouais. Après Orléans, puis on fait vite, mais au fond, les Français continueront de reprendre un peu le terrain perdu. Ça va se terminer, au fond, avec la reprise de Bordeaux, cette fameuse guerre de 100 ans. Il faut déjà boucler la boucle. Quel bilan on peut faire de cette guerre? Qu'est-ce qu'on retient de cette guerre, Michel Hébert? Bien, je dirais d'abord, la guerre de 100 ans, c'est déjà énorme, mais ça n'est pas tout. Parce qu'il y a des guerres partout en Europe à la même époque. Il y a une guerre civile en Castille. Il y a une révolution hussite dans le royaume de Bohême. Il y a des guerres entre toutes les petites cités, États italiennes, Florence, Milan, Venise, etc., qui ont d'ailleurs inspiré le prince de Machiavel. Machiavel écrit un siècle plus tard, mais il s'inspire de tout ce qui se passait au 15e siècle. C'est tout le système de la vieille féodalité, du régime seigneurial, politique, qui est en train de s'effondrer, puis progressivement, qui est remplacé par un système de gouvernement plus, on pourrait dire, plus rationnel, d'un État moderne, qui n'est pas notre État bureaucratique d'aujourd'hui, mais qui commence à s'en approcher. Et donc ça, c'est un élément fondamental. Un autre élément, je pense, c'est la question de tous ces hasards historiques. La folie d'un roi, des rois qui meurent presque en même temps, laissant des héritiers qui sont des enfants. Les ambitions de ces seigneurs comme les ducs de Bourgogne en France, qui sont à rebours d'une évolution historique qui va dans un sens autre. Donc, tous ces éléments créent la confusion totale pendant la période. Puis, un troisième élément, c'est évidemment la peste noire et tous les éléments qui sont associés. Pendant cette période de la guerre, va mourir 25 à 30 % de la population européenne pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais ça vient évidemment compliquer totalement la vie, le désespoir, ce qui a fait parler de déclin du Moyen-Âge, d'automne du Moyen-Âge, etc., etc. Mais c'est la fin, effectivement, la fin d'une époque assez clairement. C'est ça que ça marque. C'est ça que ça marque. Mais c'est le début d'une époque nouvelle, évidemment. La fin d'une époque, c'est le début d'autre chose. Et puis, on parlera de la Renaissance. Il est clair qu'au milieu du 15e siècle, on n'est plus du tout là où on était un siècle auparavant. Puis la guerre de 100 ans y a quand même contribué énormément. Michel Hébert, bravo. C'était pas évident de résumer l'esprit de cette guerre de 100 ans en 23 minutes. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Michel Hébert, je le rappelle, qui est professeur d'histoire émérite à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Michel Hébert. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.